Très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute de l'émission Mosaïque, une des émissions phares de la radio-télévision Isanganiro. Mosaïque d'aujourd'hui est portée sur le rôle de la jeunesse, surtout affiliée aux partis politiques avant, pendant et après les élections. À noter que la jeunesse burundaise représente 60% de la population, d'où l'adage burundais dit que la jeunesse burundaise est le Burundi de demain. À 4 mois des élections communales et législatives au Burundi, la quasi-totalité des activités préélectorales ont été réalisées par la CENI en collaboration avec ses partenaires électoraux, à savoir les partis politiques, les coalitions des partis politiques, les indépendants et organisations de la société civile. Tout n'a pas été rose. Ces activités préélectorales ont été émaillées d'irrégularités et certaines n'ont pas eu de solution durable car la CENI a opté de continuer le processus malgré les doléances de ses partenaires. L'activité qui reste à battre avant les élections de juin cette année, c'est la campagne électorale et c'est là où ceux qui participent dans ces échéances électorales présentent des projets de programme à la population et c'est la plupart des jeunes qui sont utilisés pour battre cette campagne. Et comme ce sont ces jeunes qui ont du sang chaud, des scénarios possibles sont signalés dans tous les pays du monde, le Burundi y compris. Quelle est la part de la jeunesse avant, pendant et après les élections au Burundi? N'est-ce pas que ce sont ces jeunes qui sont mobilisés pour appeler la masse à élire ou à voter les formations politiques de leur obédience? Comment doivent-ils le faire pour qu'il n'y ait pas chicanerie après? Et qu'est-ce qu'on doit attendre de la part de ces jeunes affiliés aux formations politiques pour que des élections prochaines au Burundi soient paisibles? Quel message qu'il faut donner à ces jeunes? Que doit être le comportement des pouvoirs publics? Voilà les principales questions de ce débat conjointement préparé par la radio-télévision Isanganiro et le service anglican pour le développement communautaire durable, SADC en sigle. Nos invités sont Gabriel Banzawi Tonde, président du parti APDR. Bienvenue, monsieur le président, dans Mosaïque. Et bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Je salue mes collègues sur le plateau. Je salue les auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. Je suis avec Nzoyi Senga Aimable, secrétaire exécutif du Centre d'appui aux initiatives locales de développement et d'assistance aux personnes vulnérables, SIDE Pansig. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Merci, je dois saluer mes collègues ici présents pour cette discussion. Et je salue aussi tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, combien utile et importante. Je suis également avec Rémi Hafzalimana, représentant légal de l'organisation Maison Loin d'Espoir. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, salutations aussi à ceux qui nous écoutent, mais aussi ceux avec qui nous partageons le dialogue. Mosaïque. Entrons donc dans le vif du sujet avec la première question. Quel est le rôle de la jeunesse pendant la campagne électorale, avant, pendant et après? Gabriel Banzavitonde. Merci beaucoup. Le rôle de la jeunesse, ce n'est pas tout simplement dans la campagne, mais aussi dans le pays. C'est un rôle qui est très important. Pourquoi? Vous avez déjà dit dans l'annonce qu'ils sont nombreux. La jeunesse est qui a la force nécessaire pour bâtir le pays, puisqu'ils ont encore beaucoup de l'âge devant elles. Et donc, la jeunesse a l'intérêt de protéger, sauvegarder le futur. Mais n'oubliez pas alors que la jeunesse est dans l'âge moins avancé. Et c'est très facile que ce soit manipulable de tous côtés. Elle peut être gauche, à droite. C'est pourquoi ça devrait être une génération qui devrait être protégée pour ne pas être tournée dans le sens négatif. Mm-hmm. Alors, pendant les élections, avant, pendant et après les élections, la part de la jeunesse est inéluctable. Ça devrait être caractérisé par d'abord de cohésion sociale, des messages de cohésion, des messages pacifiques, pour dire que après les élections, la vie va continuer et la vie qui est très longue, c'est la vie après les élections. Aussi au Burundi, comme on est en 2025, vous savez que jusqu'en 2030, on aura 5 élections. 5 élections. 2025, 2027, 2030, 2034, 2035. Mmh. Vous entendrez bien, bien que la jeunesse devrait être attention pour que les contentieux électoraux ne puissent pas les affecter directement. Mmh. Donc, les jeunes devraient être attention pour que la politique devrait être en moyen, en chemin pour atteindre l'avenir, sans toutefois que la politique devienne une entrave, comme on l'a vu dans les années passées, comme une entrave pour la jeunesse. Vous savez que même le Premier ministre a dit que le problème de le Burundi vive aujourd'hui, c'est le contentieux 2015. Vous entendrez bien et bien que la jeunesse qui a succombé dans 2015 et que le Burundi toujours subit des conséquences de 2015, après 10 ans, vous entendrez bien et bien que la jeunesse devrait tirer une leçon en fait de suivre les partis politiques, de voir si sur les listes, on a mentionné les jeunes, il y a aussi le conservateur des jeunes, mais aussi que les partis politiques ont des programmes. Si je peux donner un exemple, dans les pays comme l'Amérique, vous entendrez bien et bien quand il y a une émission sur télévision CNN, il y a des candidats au plateau, les gens disent que quelqu'un passe l'autre. À quoi tout simplement d'une émission capable d'expliquer le programme et les gens votent le programme. Alors on aura la chance qu'au Burundi, les jeunes mais aussi la population, nous aurons la chance que les gens votent le programme au lieu de suivre les personnes, au lieu de suivre les boissons, les tricots ou d'autres, je dirais, amassos qui ne sont pas nécessaires pour développer le pays. Comment fait la PDR? La PDR, c'est un parti qui met en avant les intérêts de la jeunesse. On regarde les programmes politiques, les 5 points qu'on a mis en avant. Ce sont des programmes centrés sur le bien-être, surtout de la jeunesse, mais aussi dans la liste des partis, les listes électorales. Il faut consulter nos listes. Il y a vraiment les moins d'âge avancés. Pourquoi on met en avant les jeunes? Ici au Burundi, il y a les cicatrices de 72 qui ont vécu 72. Il y a les cicatrices de 93. Alors, ces gens qui ont ces cicatrices, c'est même les gens qui ont aussi le pouvoir. Alors, chaque fois, ils mesurent avec le passé. C'est pourquoi quand il y a un problème, non, vous voulez retourner encore. Quand on dit, vous voulez retourner où? Quand on dit, vous voulez retourner encore. Il met attention à la jeunesse qui est 72 dans notre. Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il faut aligner les jeunes qui ont les jeunes mieux d'avancer, qui ont l'intérêt de développer le pays sans considérer le passé. Aujourd'hui, on considère le Burundi comme une île qui est isolée. On a arraché le Burundi sur la carte d'Afrique, sur la carte du monde. On a mis peut-être quelque part des espaces atmosphériques. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants, on n'a pas besoin de financement, le colonie. Non, il faut partir avec les autres pays qui ont réussi. Comment ils ont fait? C'est pourquoi nous alignons beaucoup les jeunes qui viennent de terminer les études, qui savent comment le monde fonctionne. Merci beaucoup. Je suis dans ce débat avec Emma Blenzo Isenga, secrétaire exécutif de CIDEP. C'est la même question. Quel doit être le rôle de la jeunesse avant, pendant et après les élections? Je dois dire que cette émission vient à point nommé parce que l'organisation CIDEP vient d'effectuer des activités importantes dans les 5 nouvelles provinces élargies. Une était centrée sur effectivement la contribution de la société civile pour qu'il y ait une contribution efficace de la jeunesse avant, pendant et après. Là, on a eu la chance de sensibiliser tous les leaders des partis politiques agréés au Burundi ainsi que les jeunes affiliés aux partis politiques sur le thème être proche de leurs militants. C'est un message pour les dirigeants des partis politiques pour être proche de leurs militants, pour réduire le risque de manipulation et diminuer le risque de violence électorale. Là, on voulait effectivement arriver à cette question qui nous vient d'être posée. Et parce que, comme les autres l'ont dit, la jeunesse représente plus de 60% du pays, mais on trouve que la majorité n'ont pas une vision politique. Au lieu de suivre les programmes proposés par les différents leaders des partis politiques, ils ne font que suivre les individus. Ils sont là pour être récompensés en termes d'emploi, en termes de postes. Mais je pense que la jeunesse doit prendre une position radicale pour militer pour un changement positif, pour moi, un changement qui doit commencer à l'intérieur des partis politiques. Donc, on a eu également la chance pour le second tour, de sensibiliser la jeunesse pour l'appropriation de la vision Burundi émergent 2040 et le Burundi développé 2060. Parce qu'on entendait certains qui disent « Cette vision ne nous appartient pas, ça appartient au parti présidentiel. » Alors que c'est une initiative que tout le monde devrait s'en approprier, mais aussi contribuer pour préparation d'un avenir meilleur de son pays. D'où la jeunesse doit d'abord oublier qu'ils sont le Burundi de demain. La jeunesse doit considérer qu'ils sont le Burundi d'aujourd'hui et éviter l'alimentation comme quoi nous sommes oubliés, mais aussi savoir qu'ils doivent lutter pour ses propres intérêts. Parce que des fois, les droits s'arrachent. Merci beaucoup, les droits s'arrachent. Nous sommes dans ce débat autour de ce plateau avec Rémi Havzalimana, représentant légal de l'organisation Maison Lueur d'Espoir. C'est la même question. Quel doit être le rôle de la jeunesse avant, pendant et après les élections? Nous sommes dans une pleine campagne électorale. Soulignons d'abord que la jeunesse dont nous parlons ici est toutes les personnes dont la tranche d'âge se limite entre 15 et 35 ans. Vous l'avez si bien dit, ils sont déjà majoritaires et devraient effectivement aussi être majoritaires, même au niveau des activités, mais aussi au niveau des planifications de ce qui devrait être fait. Rappelons aussi en passant que, contrairement à ce qui se dit ou qui s'exprime comme plainte selon lesquelles la jeunesse n'est pas considérée, la jeunesse n'est pas impliquée, et ainsi de suite, la situation ou l'actualité diffère vraiment de ce que l'histoire connaît comme, évolution de notre histoire récente, parce que les jeunes ont toujours été impliqués dans la gestion du pays. Les jeunes ont été responsabilisés. Les jeunes se sont responsabilisés. C'est l'exemple du dernier roi, par exemple, et des deux derniers d'ailleurs. Ils ont été intronisés alors qu'ils étaient encore mineurs. Le dernier roi a été intronisé déjà, mais l'avant-dernier a été intronisé à 3 ans. Le dernier, il était un peu plus âgé, mais ils étaient tous mineurs. Les 3 premiers présidents de la République étaient tous jeunes. La quasi-totalité des ministres de l'époque étaient tous jeunes. Donc, ce que nous avons aujourd'hui comme l'image du Burundi a été tracé par les jeunes. C'est donc une sorte d'interpellation pour dire que les jeunes ne devraient pas seulement s'attendre à ce que des droits leur soient attribués, mais ils devraient comprendre que dans le temps, et cela reste valable aujourd'hui, il y en a qui peuvent faire en sorte que les changements aient lieu grâce à leurs efforts. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est avoir à l'esprit que ce qui se fait aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui s'est fait hier. Donc, si aujourd'hui les jeunes ne sont pas considérés, très bien considérés, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la jeunesse d'hier, ceux qui sont matures ou majeurs aujourd'hui, n'ont pas tenu compte du paramètre jeune lorsqu'ils étaient jeunes. C'est donc savoir et être conscient que s'ils veulent vraiment que le paramètre jeunesse soit considéré dans tout ce qui concerne la vie du pays, c'est à eux de le faire, parce que ce qui se fera demain se définit aujourd'hui. Troisièmement, c'est cette séparation des individus et de la réalité. En fait, ils devraient comprendre que le gestionnaire actuel fait face à des questions d'actualité, alors que le jeune, lui, devrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi les choses se font telles qu'elles se font aujourd'hui. Quelle en est la cause? Et comment les choses devraient se faire demain? Et en séparant l'actualité d'hier et de demain, cela devrait alors orienter les actions des jeunes, qui devraient être différents des personnes adultes qui aujourd'hui vivent parce qu'ils sont convaincus que leur demain est très limité. De la sorte, ils devraient conclure et se rendre compte que les besoins de tous les jeunes, indépendamment des partis, des familles politiques, indépendamment des zones de provenance, ils sont les mêmes. Les jeunes de Muyinga connaissent les mêmes problèmes que les jeunes de Makamba. Les jeunes de Ruyigi connaissent les mêmes problèmes que ceux de Chibitoke. Donc, les problèmes des jeunes, c'est eux qui sont majoritaires dans la tranche des chômeurs. Et ils devraient se rendre compte que même au sein du parti au pouvoir, les chômeurs y sont. Si le parti au pouvoir donc ne parvient pas à répondre aux besoins, n'offusque de la petite partie de ses membres. La réponse se trouve ailleurs. Donc c'est aux jeunes donc, de tout faire pour voir que est-ce que nous votons un parti qui répond aux questions prioritaires de notre vie ou nous suivons seulement une personne parce qu'elle est de notre, elle est de notre ethnie, de notre région et autres. Voilà les idées qui devraient guider les jeunes lorsqu'ils sont en train d'analyser les projets politiques, des partis politiques, afin qu'ils soient responsables parce que justement, eux, ils doivent décider beaucoup plus de ce qui vient demain que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Merci beaucoup de cette analyse et orientation de la jeunesse burundaise aujourd'hui, au moment où nous sommes dans la campagne électorale. Et on doit aussi évaluer ce parcours des activités de la CENI. Comment est-ce que vous appréciez, Gabriel Banzawiton, des activités déjà menées par la Commission électorale nationale indépendante CENI? Y a-t-il des défis? Qui sont-ils? On a vu des listes des candidats qui sont affichés aujourd'hui, d'autres étapes qui ont été franchies. Aujourd'hui, l'on s'attend à la campagne électorale. Les activités déjà menées, comment est-ce que vous les interprétez? Nous apprécions les activités déjà menées par la CENI, puisque jusqu'à maintenant, on est dans une bonne collaboration. La CENI est dans une bonne collaboration avec les partenaires électoraux. Si je peux dire que on a déjà donné des emblèmes, on a déjà donné des listes, et nous avons un calendrier bien établi. Et aussi, la CENI nous a garanti que même si les listes sont déjà disponibles à porter à tout le monde, ces listes n'appartiennent maintenant aux partis, appartiennent à la CENI. C'est-à-dire que l'un ou l'autre personne peut être influencé pour quitter la liste, mais ça ne devrait pas être ainsi puisque c'est la CENI qui est le garant de ces listes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas, je dirais, quelqu'un qui peut quitter la liste pour aller dans l'autre, ça ne se fait pas. Dans l'ensemble, nous attendons la campagne. Normalement, les gens devraient connaître qu'il y a des termes qui sont très différents. La propagande et la campagne. Maintenant, on est dans la propagande, on fait des nuits jour à jour, on est sur vos plateaux. Alors, il y a une campagne réservée à 3 semaines, tout simplement, avant les élections. Ce sont des activités politiques, 3 semaines filées. Et dans son cas, c'est la campagne. Je dirais aujourd'hui, nous sommes dans les élections, en pleine élection, au moment où la pauvreté guette la population. La pauvreté extrême guette la population, mais aussi la pauvreté au niveau du pays. On n'a pas de carburant pour se déplacer. Mais cela ne nous empêche pas qu'il y a plusieurs canaux d'atteindre nos militants. D'abord, il y a des comités à la base qui continuent toujours des réunions, mais aussi il y a à travers les canaux de communication. Aujourd'hui, avec le monde nouveau, on passe par le système téléphonique, mais aussi les problèmes qui sont sur le terrain aujourd'hui contribuent à la réussite des autres partis politiques. La population peut être fatiguée de la pauvreté, de ça. On a l'intérêt de chercher un changement. Alors, en cherchant un changement, ça va donner la chance maintenant à la population de commencer à songer au programme. Au lieu de suivre la personne, au lieu de suivre les boissons, puisqu'ils ont pu essayer tout ça. Je vous dis franchement, les élections au Burundi étaient motivées. En 61, les gens voulaient l'indépendance. En 1993, la population voulait la démocratie. Et en 2005, la population voulait les Hutus. En 2005, on disait qu'il faut que quand même les Hutus se gouvernent avec l'armée mélangée. Mais jusqu'en 2015, on n'avait pas la motivation. En 2020, c'était difficile de chambarder à un moment où les élections avaient été préparées par les moyens personnels du gouvernement. Mais en 2025, on est dans la pleine démocratie où les gens commencent à voir quelle est la motivation des élections. Aucune motivation. La motivation qui reste, c'est le programme. femmes et de bien expliquer comment on va le faire. C'est-à-dire que le problème qui entre le pays va nous donner la chance que peut-être la PDR accédera au pouvoir en 2025 et en 2027. C'est pourquoi nous apprécions les activités de la CENI et nous l'encourageons encore d'être transparents afin que les élections passeront en beauté. Mais aussi, on a la chance, autre chance. Dans les bureaux de vote, il y aura beaucoup de jeunes recrutés par la CENI. Ces jeunes aussi sont parmi les gens qui sont en train d'être touchés par la pauvreté extrême du pays. C'est-à-dire qu'on aura la chance des jeunes qui vont se préviser les élections sans toutefois changer une voix. Dit qu'on a besoin déjà des programmes, on a besoin des gens choisis par la population. Donc nous attendons que vraiment les élections 2025 et 2027, ça sera peut-être des élections extraordinaires. Très différente que la population beaucoup déjà pense. Le parti APDR milite pour l'autopromotion de la jeunesse, mais vu les listes des candidats électoraux, on a constaté que dans certains partis politiques, ce sont les anciens qui reviennent. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous ai dit que jusqu'à maintenant, les listes électorales se trouvent dans la main de la CENI et ça nous décourage d'avoir qui nous voyons les listes dans ces partis politiques. Il faut aussi que la CENI fasse la maillabilité pour diffuser aussi nos listes. Et quand vous verrez nos listes des partis APD, vous verrez qu'il y a vraiment les moins âgés puisque nous voulons changement, nous voulons nous voulons des jeunes comme des pigeons qui sont là sans tâche. Dans l'APD, il n'y a pas les gens qui sont poursuivis par la corruption. Il n'y a pas des gens qui sont poursuivis par les sangs. Ce sont des gens qui sont sains. Alors on a besoin que ce nouveau ça dirige le pays. Normalement, ceux qui diffusent les listes devraient aussi diffuser nos listes pour que les gens commencent à avoir la distinction. Ça, c'est le gourmandisme. On dirait que Banzawito a fait campagne à la radio. Non, ce n'est pas la campagne, mais c'est le gouvernementisme de constater une seule personne depuis 2005, une liste de députés, mais aussi dans l'hémicycle de Tigobe. Tout simplement, ce rôle, c'est de faire monter le doigt. Aucune question qu'il pose, aucune contribution. Vraiment, c'est le gourmandisme. Mais dans l'ensemble, la population est malaise, vu que la situation au Burundi vit. La population a besoin d'un changement, mais aussi un changement sur les programmes. C'est pourquoi même, j'invite mes jeunes du parti APD aussi de parcourir dans d'autres partis politiques pour écouter le programme. Une fois vu qu'il y a un programme adéquat, moi aussi, je peux voter un autre programme. Si je vois quelqu'un qui est capable de expliquer son programme. Je vois que quand même, une fois arrivé au pouvoir, il va changer de plus que la PDR. Moi aussi, je peux voter une autre personne. Je vois vraiment, par exemple, Mable, il est fort que moi, selon le programme déjà mis en place, je vois une personne qui explique au-delà de nous. On peut le choisir puisqu'on n'a pas besoin. Le pays, c'est comme un tambour. On peut voler un tambour, mais ça devient difficile où on peut le battre. Tu peux gagner le pays sans toutefois connaître comment le gérer, à quoi va servir. On a besoin déjà s'il doué pour sauver le pays. Même celui qui n'est pas dans le gouvernement, qui n'est pas dans le poste politique, peut faire cette activité aisément et gagner la vie. On a besoin de personnes qui pensent, s'il doué, qui sont capables de gouverner le pays comme les autres pays, afin que sa population vive aisément et reste. Merci beaucoup. Mable Nzoyi Senga, CDEP a suivi de près les activités déjà réalisées par la CENI. Il y a les responsables de partis politiques qui s'indignent comme quoi il y a beaucoup d'erreurs de la CENI. CDEP a suivi de près. Comment est-ce que vous évaluez les activités déjà menées par la CENI? L'organisation CDEP apprécie positivement les séries d'activités organisées par la CENI. Parce qu'effectivement, on n'est pas à zéro. Parce que le programme est avancé. Ça, vraiment, c'est à encourager. Mais effectivement, comme vous le dites, nous avons entendu de la part de certains leaders des partis politiques qui s'expriment à la radio comme quoi ils ne sont pas satisfaits par certaines décisions prises par la CENI. La CENI attendait de trouver certaines solutions, mais aussi il y en a d'autres qui n'ont pas été réglées. De notre côté, nous encourageons la CENI à garder une bonne image. Nous voulons une CENI transparente qui encourage les élections inclusives, libres et apaisées. Je pense que même aujourd'hui, même à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup à faire pour cheminer vers des élections libres, transparentes et apaisées. Je voudrais aussi dire quelque chose par rapport aux commentaires ou à ce qui ont été exprimés par certains jeunes par rapport aux listes déjà publiées. Nous avons entendu effectivement qu'il y a des jeunes affiliés aux partis politiques qui trouvent que ce sont les mêmes personnes qui reviennent, alors que nous ne sommes pas dans la monarchie, que le système royal d'un côté n'a pas été changé, ou que le système est venu sous une autre forme, qu'on dirait comme quoi il y a des gens qui sont nés avec cette chance d'occuper d'une façon répétitive dans certains postes. Là, de notre côté, comme ce sont des décisions qui se prennent à l'intérieur des partis politiques, nous encourageons les jeunes qui sont dans ces partis de lutter pour de tout faire pour qu'il y ait des changements positifs en interne. Aux leaders des partis politiques, nous les encourageons de tenir en considération la force incontournable de la jeunesse manifestée dans des campagnes, parce que tous les partis politiques qui s'observent aujourd'hui fort, ils doivent avoir une structure de la jeunesse très forte. Et la récompense devrait être proportionnelle par rapport à la force de la jeunesse. Je pourrais également dire que pour les leaders des partis politiques, il faudrait qu'effectivement il y ait la promotion des jeunes pour les hommes qu'il faut, dans les places qu'il faut. Merci beaucoup. Rémi Hafzalimana, de la Maison Lueur d'Espoir. On entend ici et là parler qu'il y a des listes qui sont déjà affichées. On ne voit que des anciens qui occupaient qui étaient députés, qui étaient membres des conseils communaux. On dit qu'on a oublié les jeunes, la jeunesse. Comment est-ce que vous interprétez cela? Je dois ici dire que le travail de la CENI n'est que la mise en œuvre de la loi qui lui est donnée. Mmh. Évidemment, dans la même loi, il y a une disposition selon laquelle si la CENI trouve qu'il y a des blocages, la CENI peut cette fois-ci produire des décisions qui vont dans le sens de faciliter la mise en œuvre de la loi. Mais là, c'est vraiment la mise en œuvre. Mais pour ce qui est de la catégorisation en termes d'âge ou de genre, je dois dire que j'ai eu le privilège de faire partie d'une étude qui justement analysait la situation de la participation des jeunes et des femmes ou de l'inclusion de jeunes femmes sur les listes électorales. Pour me rendre compte que le code électoral, qui n'est qu'une émanation de la Constitution, les deux documents prévoient un pourcentage bien clair en faveur des femmes, mais ils y sont tous muets en faveur des jeunes. On ne prévoit vraiment rien en faveur des jeunes en termes de pourcentage. Mais par contre, il y a plutôt des dispositions qui vont dans le sens de décourager la participation de ces jeunes. Si, par exemple, vous allez sur les critères qu'un sénateur doit remplir pour pouvoir être éligible comme sénateur, il faut qu'il ait au moins 35 ans. La limite supérieure de la jeunesse devient la limite inférieure d'un sénateur. Donc, c'est exclu qu'un jeune soit sénateur au Burundi, d'après les deux textes. Deuxièmement, c'est au niveau des listes qui devraient faire objet des conseils communaux. C'est la même chose. En fait, là, plutôt le problème qui est là, c'est au niveau de l'appréhension de la population électorale. Parce que les attentes de la population, c'est une personne expérimentée en termes de gestion des questions foncières, mais aussi des questions conjugales. Le jeune dont on parle ici, c'est ces jeunes dont la majorité n'a pas d'emploi. Ils sont chômeurs. Or, dans la culture burundaise, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas encore de terre propre à vous. Et par conséquent, on ne fera pas recours à vous lorsqu'il s'agira des questions foncières. Parce que, inexpérimenté, vous ne pouvez pas être expérimenté lors que vous n'en avez même pas. Vous n'êtes pas marié, justement. Et là, on ne fera pas recours non plus à vous lorsqu'il s'agira des questions conjugales. Ce qui fait que les jeunes se retrouvent systématiquement éliminés. Et lorsqu'il sera question des députés, c'est des listes qui sont données encore une fois par les partis politiques. Et là, les critères d'éligibilité sont beaucoup plus basés sur le fait que qu'est-ce que vous avez fait, quelle a été votre contribution en termes de finances. Or, ce chômeur n'a pas à donner parce que justement, il ne travaille pas encore. Et il devient très léger par rapport à celui qui est déjà dans les affaires, commerçant ou autre, et qui effectivement devra être prioritaire lorsqu'il faudra éliger les listes qui seront présentées à la CENI. Voilà pour moi, le triage se fait au niveau de la loi. Lorsque nous savons que pour les femmes, par exemple, c'est bien précis qu'il faut 30%. Et là, pour les jeunes, il n'y a pas de pourcentage qui soit proposé. C'est ce qui fait que, pour moi, la CENI n'a vraiment pas de marge de manœuvre de voir les possibilités d'avoir beaucoup de jeunes venir. S'il venait, il viendrait sur la liste des députés. Et là, c'est ce pourcentage qui doit être vraiment réduit parce que très peu de jeunes peuvent se retrouver et passer par les maillots de pouvoir, d'avoir contribué financièrement pour mériter cela. Donc, selon vous, il faut que la loi soit modifiée, carrément. Si vraiment vous voulez avoir du sang nouveau dans les institutions sur les listes électorales, il faut absolument que la loi soit revue. Et voilà donc, pour moi, la CENI, je ne dirai pas grand-chose sur cela parce que les listes ne peuvent venir qu'avec les critères dont nous venons de parler. Alors, en ce qui est des autres activités, vous comprenez que ça dépend cette fois-ci de la volonté ou du bien vouloir des responsables des partis politiques qui souvent connaissent, comme nous le savons, dans le contexte burundais, la pression est tellement grande parce que, rappelez-vous, dans le temps, on avait beaucoup plus de latitude parce qu'on devait faire sur 18 provinces qui sont ramenées à 5. Et si vous devez faire une liste pour 4 provinces, vous devriez en avoir 4 listes, vous en avez une, vous comprenez que les chances pour les jeunes sont réduites. Parce que même les moins jeunes, ils ne sont pas tous retenus. Ils ne peuvent pas avoir. Donc, la pression est tellement grande que les chances d'avoir des jeunes sur les listes électorales sont vraiment amoindries. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter, en cours de route, nous débattons sur le rôle de la jeunesse avant, pendant et après les élections avec les invités, à savoir Rémi Hafzarimana de la maison Lueur d'Espoir, Gabriel Benzawitonde, président du parti APDR, et Nzoï Senga Aimable de l'organisation CIDEP. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission où nous revenons sur ce qui a caractérisé dans les années passées le processus électoral. On a assisté à des chicaneries politiques entre les jeunes affiliés aux partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est le topo ? Aujourd'hui, y a-t-il déjà des cas signalés ? Normalement, aujourd'hui, il y a des avancées significatives, je dirais, de la démocratie. Il y a une évolution au niveau de la jeunesse. Pas parce qu'il est encore tôt. Non, ce n'est pas encore tôt. Les jeunes, jour et nuit, commencent à connaître que les problèmes qui existent touchent tout le monde. Aujourd'hui, quand les prix sont montés sur le marché, tout le monde est concerné. Alors, ils se trouvent devant cette problématique étant ensemble. Ils commencent à connaître que les problèmes se trouvent à tout le monde. Donc, mais aussi à travers le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Comme CIDEP vient de refaire, il y a d'autres organisations comme REJA qui ont contribué à enseigner à la jeunesse burundaise de connaître que les élections, comme je vous ai dit, imaginez par exemple, 2025 à 2035, le Burundi connaîtra 5 élections. Alors imaginez si les jeunes commencent aujourd'hui à chaque élection, il y a un candidat à chaque élection, attendez-vous 5 fois jusqu'en 2025. Donc je dis vraiment, dans l'ensemble, il y a une avancée significative sur le comportement et la cohabitation des jeunes des partis politiques. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes du parti APD? Normalement, les ingénieurs du parti APD, même tout le monde, il faut continuer dans cette démarche. Donc on est dit qu'après les élections, la vie continue. Et les étapes sont déjà là. Les exemples sont là. Et vous êtes dit que sur la liste, il y a toujours les viens. Il y a quelqu'un qui était à la liste depuis 2005, aujourd'hui il revient. Comment un jeune va battre l'autre alors qu'il ne sera plus sur la liste électorale? Ça, c'est le chantonnage. Il peut être manipulé. Pour quelle raison? Ils ont fait tout ça. Mais après, ils ont constaté qu'il n'y a pas un changement. Donc, ils ont dit qu'il faut quand même se retenir pour cohabiter mutuellement. Puisqu'après les élections, après les boissons qu'ils ont mis, pendant les élections, pendant les campagnes, après les élections, alors quand il y a la stabilité des organes, il manque quoi à manger. Il commence à trembler dans la rue, il commence à demander quelqu'un peut m'aider. Alors, vous voyez là où vient l'idée, avec ces différentes aussi sensibilisations et formations. Vraiment, je peux confirmer bel et bien qu'aujourd'hui, il y a l'amélioration de la cohabitation pacifique des jeunes et des partis politiques. C'est pourquoi je voulais dire aussi, je profite de l'occasion que cette unicité, il faut le continuer vers les élections, que celui qui va gagner, qu'il dirige à tout le monde, celui qui sera vaincu, qu'il ne faut pas encore casser. Aimable Nzoyi Senga, on a constaté les années dernières, dans d'autres campagnes électorales, qu'il y a eu des chicaneries, de l'intolérance politique, ce qui a conduit mal les élections dans les années antérieures. Aujourd'hui, SIDEP aurait des initiatives pour encourager les jeunes qui mettent en avant la cohésion sociale dans des enseignements que vous dispensez, dans des ateliers que vous tenez à l'endroit des jeunes. C'est vrai que dans le passé, il y a eu manipulation de la jeunesse, quelquefois avant, pendant, même après les élections. Partant de cette situation qui n'était pas bonne, on a eu la chance, on a eu le privilège de contribuer pour une cohabitation pacifique où les jeunes des partis politiques, des 5 différents, des 5 provinces nouvelles, ont été sensibilisés sur le rôle à jouer par la jeunesse afin de réduire le risque de manipulation et de violence électorale. Par la présence, je dois saluer... Je dois saluer la présence de l'ONG NIMD, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, qui a contribué activement en donnant un financement aux presque 6 organisations de SIDEP pour pouvoir approcher et les leaders des partis politiques et les jeunes des partis politiques pour qu'il y ait une amélioration au niveau de la cohésion. Là, je dirais, comme l'a dit le président du parti, APDR, la cohabitation est pacifique. Mais comme on dit, Tosori Fuku Agomizako, cela ne veut pas dire que nous continuons cette initiative d'approcher et d'accompagner les jeunes des partis politiques pour qu'ils ne retombent pas dans les mêmes erreurs du passé. Nous espérons qu'ils ont appris avec sérieux, avec motivation, parce que eux-mêmes ont constaté que dans le passé, ils ont été manipulés au profit des intérêts des leaders des partis politiques, pas pour leurs propres intérêts, mais pour des intérêts des autres. On a vu aussi dans le passé les sports de masse, là où des gens proféraient des messages de haine, Hongorinjabdi. Et là, quel est le mot que vous placez à cet usage des discours de haine? J'avais oublié de dire que dans les formations effectuées à l'endroit de ces parties prenantes, on insistait effectivement pour que les leaders des partis politiques ne diffusent pas ou n'entraînent pas la jeunesse dans les messages de haine et aussi dans les agressions verbales. Et nous espérons quand même que nous continuons et nous, nous continuons à mener d'autres séries d'activités pour vivre les élections apaisées. Rémi Havzarimana, dans la maison Lueur d'Espoir, on a fait face à des messages de haine, des cycles de violence, des intimidations dans les récentes échéances électorales. Je crois qu'il est prématuré de se prononcer parce que généralement la tension monte davantage plus on s'approche de la période électorale. Je veux dire, plus on s'approche du scrutin, plus les tensions montent. Et cela dépend aussi de l'attitude qu'affichent les responsables des différents partis politiques qui sont en compétition. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, il faut positivement noter l'évolution et l'apprentissage sur l'histoire. D'abord, rappelons qu'un jeune de 2010... n'est plus nécessairement jeune aujourd'hui. Celui qui était très chaud en 2015, s'il avait 20-25 ans, maintenant il est dans la tranche qui dépasse déjà la jeunesse. Et les différentes années au cours desquelles il doit avoir vécu les conséquences de ses agissements lui ont laissé des leçons. Rappelons donc une bonne partie des jeunes aujourd'hui qui devraient être beaucoup plus impliqués dans ces activités seraient pour la plupart de nouveaux jeunes qui ne connaissent pas ce qu'ils ont vécu à cette période-là. Et surtout que le secrétaire général du parti au pouvoir a indiqué dans sa conférence de presse qu'il y a des jeunes qui sont formés pour remplacer les anciens qui, aujourd'hui, ont déjà requis l'âge d'homme adulte. On les forme comment ? C'est vrai, c'est d'ailleurs ce que devrait faire n'importe quel parti. Comme on l'a dit, chaque parti doit avoir ou devrait avoir une section jeunesse. Mm-hmm. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l'attitude des anciens jeunes devrait correspondre à ceux d'aujourd'hui. Parce que, justement, l'enseignement du parti au pouvoir, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2005, il a changé au fil du temps, parce que justement, le parti aussi connaît des changements internes, pour plusieurs raisons. D'abord, ceux qui enseignaient à cette période-là, je ne sais pas s'ils sont encore à l'intérieur pour enseigner, s'ils sont encore à l'intérieur, et ceux qui sont en train de le faire aujourd'hui sont peut-être pas très nouveaux, mais les messages qu'ils donnent peuvent être nouveaux par rapport aux messages qu'on a donnés à cette période. Ça, c'est un autre effet. L'autre élément pas moins important, c'est l'adversaire politique qu'on a en face. Et les messages qu'on est en train de donner, qui généralement sont conséquents aux circonstances environnantes. C'est ce qui fait que, je pense, aujourd'hui, il y a de fortes chances que la situation ne soit pas très violente si les choses continuent telles qu'elles sont. Mais encore une fois, je reviens sur l'élément clé. Cela dépend de l'attitude que prendront les responsables des différents partis politiques en compétition et des messages qu'ils vont lancer. C'est donc à ce niveau où il faudrait plutôt dire à tous les jeunes que le temps qu'ils vivent aujourd'hui, c'est une sorte de début par rapport à ce qu'ils doivent s'attendre. Tandis que ceux qui leur donnent ces messages sont peut-être vers la fin de leur carrière politique. Alors, ils devraient aussi apprendre par l'histoire et se rendre compte que ceux qui étaient devant dans les différentes périodes de crise, soit ils sont morts, ou ils ne sont pas vraiment dans de très bonnes conditions. Alors, s'il faut cette fois-ci partir de ces exemples, ils devraient se poser la question, réfléchir deux fois avant de se mettre dans les attitudes violentes. Ouais. Merci beaucoup. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de ce débat. Nous sommes au chapitre d'appel ou de contribution afin qu'on arrive à des résultats positifs des échéances électorales prochaines, afin aussi de consolider la cohésion sociale dans le pays. Quels sont les appels à tous les partenaires électoraux, ici je dirais aussi l'administration? Appel à la jeunesse, appel aux responsables des partis politiques, appel à la CENI et appel au pouvoir public. puisque ce sont eux qui vont gérer cette jeunesse sur le terrain qui est mobilisée à battre la campagne. Et à la jeunesse, premièrement, il faut que la jeunesse burundaise devrait être des jeunes qui ont des visions. Puisque dans les partis politiques, il y a des jeunes qui sont là, sans toutefois avoir même demandé une parole, contribuer, mais il faut être clairvoyant. Il y a aussi des jeunes qui disent que la politique concerne aux autres, concerne aux païens, mais quand il y a un problème au pays, vous voyez que aussi la tombe sur la jeunesse. Oui, ça touche tout le monde. Si la jeunesse devrait connaître que le futur est très grand par rapport à elle, donc elle devrait travailler pour le futur meilleur. On parle de la vision 2040, 2060. Par exemple, quand le parti APDR accédera au pouvoir en 2027. APDR a des outils pour gagner les élections. C'est là, déjà se trouve au monde. Déjà, il est rempli. On a manqué celui qui va récupérer ses romans. aussi connaître que la commande, le pouvoir ne se donne pas sa lâche. Le pouvoir s'allâche. Mais pour changement positif. Donc la jeunesse, comme je vous ai dit aujourd'hui, a quand même le changement de mentalité, le changement dans la cohabitation pacifique, on devrait s'y connaître. Alors, si on regarde les listes, si on regarde comment on fait, quand est-ce que les jeunes qui ont des visions auront la chance d'accéder au pouvoir pour changer les choses. Les responsables des partis politiques devraient connaître que les intérêts privés, les intérêts publics dépassent les intérêts privés. Aujourd'hui, nous voyons des dirigeants qui saccagent le pays et ils disent que le pays est riche, alors que ce sont des individus qui sont riches et les autres sont dans la misère incontournable. Donc, l'idée politique, nous avons un parti politique, nous voulons le pouvoir, oui. Est-ce que le pouvoir que nous voulons, nous allons le traiter comment? Nous voulons les intérêts de qui? Puisque tous les jeunes, comme je vous ai dit, n'auront pas la chance d'accéder dans les organes dirigeants. Mais chacun aussi dans sa création, qu'il soit à l'aise, qu'il trouve un climat d'affaires favorable, qu'il trouve un moyen de placement efficace. Tout ça aussi pour les adhérents, c'est les dirigeants qui devraient commencer. Aujourd'hui, il y a un danger que nous n'acceptons pas. Quand on parle nation, tout le monde est concerné par nation, vous êtes vous aussi à contribuer. Non! Quelle que soit la nation, quel que soit le pays, quel que soit le territoire, quel que soit le gouvernement, je dis donc grande appellation, il y a des gens qui sont au sommet de ces choses. Donc les contributions diffèrent. Donc celui qui sont au sommet de ces choses doivent orienter les choses pour les intérêts de ceux qu'ils ont en mandat. À la CENI devrait être attention. La CENI devrait être attention. Il faut qu'elle organise les élections libres, transparentes, apaisé, mais aussi inclusif. Quand je dis inclusif, il ne faut pas que demain, bien après demain, on aura des listes rejetées. On peut trouver, on a commencé à afficher, oui, c'est vrai. On peut trouver quelqu'un qui dit, moi, il faut m'arriver à la liste. Elle commence à chambarder les des partis politiques. Il faut que les élections restent inclusives. Alors, l'administration devrait connaître que, comme aujourd'hui, il y a ceux qui ont le pouvoir, il faut aussi qu'ils connaissent qu'il y a les autres qui veulent le pouvoir. Il ne faut pas bloquer les autres. Mais aussi l'administration, on est proche aux élections avec aussi le découpage de 5 provinces. Il ne faut pas déjà commencer à s'accaparer les biens des communes. Tu sais que notre commune est élargie, il faut commencer à grignoter. Il faut commencer à quitter Kirira. Il ne faut pas que les gens commencent à s'accaparer les biens de la commune, les biens de la province. Comme aujourd'hui, la province est vaste, il faut commencer à manger ce qui sont proches de nous. Tu as dit que je ne reviendrai plus. Il faut que vraiment l'administration reste franche, terminer le mandat en beauté. S'ils vont continuer, ça va. S'ils continuent, les autres, c'est le pays qui reste. Donc, il ne faut pas que aussi l'administration bloque les autres partis politiques, quel que soit pendant la campagne ouverte, mais aussi pendant ces périodes, avant les élections, qu'on est en train de faire des différentes réunions pour organiser nos mérites. Merci beaucoup, aimable Nzo Isenga. La question est la même. Quels sont les appels, surtout à l'endroit de cette jeunesse qui est souvent instrumentalisée aux responsables des partis politiques, à la CENI et à l'administration publique, pour qu'on ait vraiment des résultats acceptables? Pour cheminer vers les élections, des résultats acceptables, ou vivre les élections libres, apaisées, inclusives, je lance un appel pressant à l'endroit de la jeunesse, plus particulièrement les jeunes des partis politiques, parce que c'est là où on observe des fois des problèmes. Il faut qu'ils se comportent comme une jeunesse visionnaire. une jeunesse ayant des pensées stratégiques, parce que des fois, certaines vont pour à la recherche des postes. La jeunesse doit avoir une pensée stratégique, d'observer les défis et penser aux solutions. Quand je vais occuper cette place, par rapport à la faiblesse, observer le changement, l'apport que j'amène est là. Et il faut qu'il y ait un apport visible. Parce que des fois, on observe des discours politiques, mais maintenant, nous voulons des actions. La jeunesse doit être résistante à la manipulation pour renforcer la cohabitation pacifique. Mais également, les jeunes doivent savoir que la période des élections est courte par rapport à la période post-électorale. Et on doit aussi savoir que après les élections, la vie continue. Mais aussi, ceux qui ont gagné les élections vont accepter la diversité et accepter que on doit être ensemble, on doit partager la richesse du pays. À l'endroit des partis politiques, les leaders des partis politiques doivent élaborer des programmes clairs, mettant les intérêts en avant de la jeunesse. En cette période où certains administratifs approchent fait de leur mandat, certains peuvent le considérer comme c'est la fête du monde. Il y a des administratifs qui aujourd'hui commencent à voir, ils commencent à penser qu'ils n'ont pas d'avenir, comment est-ce que je vais que serais-je au mois de juin, que serais-je au mois de juillet. Comme mon collègue l'a dit, il faut d'abord qu'ils savent qu'ils sont l'administration est au service de la population. Si il a eu la chance d'avoir un véhicule, c'est pas à lui. C'est pour la population que je considère le patron de l'administration. Quant à la CENI, nous voulons quand même une CENI qui est là pour le respect des intérêts de tous. Une CENI qui tranche positivement sans toutefois être penchée. Vous demandez à la CENI d'être indépendante dans son action. Oui. Nous demandons à la CENI de rester vigilant et rester résilient aussi pour à la manipulation, parce que on observe ailleurs des CENI qui se voient manipulés par les partis politiques. Et aujourd'hui, nous espérons que si la CENI reste indépendante, tout ira bon. Nous lançons un appel pour ça également à l'endroit des partenaires. Qu'il puisse continuer à appuyer d'une manière ou d'une autre aux organisations de la société civile qui sont en cours d'accompagnement des actions qui visent la réussite des élections libres, transparentes et apaisées 2025 et 2027. Merci beaucoup. En dernier lieu, Rémi Havzarimana de la Maison Lueur d'Espoir, quel est votre appel pour qu'on ait des résultats positifs de ces échéances électorales en cours de préparation? Je devrais d'abord dire que les élections de 2025, c'est une étape parmi plusieurs autres étapes. La population burundaise devrait s'habituer au rythme électoral parce que, comme le président de la DPR a dit, en fait, il y a plusieurs les échéances électorales. On ne devrait donc pas être inquiété par les périodes du genre, sauf si vraiment les différents acteurs ou partenaires se méconduisent. Parce que si chacun devrait respecter la loi telle qu'elle est faite, tout devrait aller bien. Alors, premièrement, chez les jeunes, je l'ai dit, je le répète, ce qui est fait aujourd'hui détermine ce qui sera fait demain. S'ils veulent vraiment que le Burundi soit amélioré, ils devraient le faire maintenant. Et demain sera conséquent de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Donc, ils devraient beaucoup plus voir quels sont les vrais besoins du pays. Et là, dans le choix qu'ils devraient opérer lors des élections, ne pas seulement tenir compte d'appartenance politique, mais voir le contenu des partis qu'ils élisent. En même temps, en faisant cette critique, ils devraient se défaire en fait de ce qui souvent constitue la base des violences. Parce que les jeunes qui sont violents, généralement, sont des jeunes qui n'ont pas encore atteint le niveau d'analyse critique parce que, justement, restant dans ce que l'on leur dicte. Au niveau des responsables des partis politiques, ils devraient faire attention parce que le jour où les jeunes se rendront compte qu'ils sont majoritaires et qu'ils sauront exploiter leur majorité, ils pourront imposer aussi un programme politique. Ce qui sous-entend que les responsables des partis politiques qui ne tiennent pas compte des besoins réels de la population majoritaire qui est les jeunes, en fait, devraient se dire que demain, si les jeunes se consultent et élisent en considérant le contenu des projets politiques, ces partis politiques qui n'en tiennent pas compte devraient se retrouver écartés. Sinon, au niveau de la CENI et l'administration, c'est vraiment de rester indépendant, équitable, parce que souvent, on se rend compte que les compétiteurs se plaignent que l'administration et la CENI sont beaucoup plus penchés du côté du parti au pouvoir, ce qui souvent peut être aussi la cause des violences, parce que si la réalité est vu de tous que les choses sont de la sorte, on commence à douter déjà des résultats qui seront diffusés ou proclamés. Et si les compétiteurs ne sont pas convaincus que l'observation ou la gestion des élections a été bonne, vous comprenez que c'est déjà à une sorte de bombe à retardement. Merci beaucoup. Voilà, c'est sur ces appels que je boucle cette émission. Vous préparez conjointement par la radio Isanganiro et le service anglican pour le développement communautaire durable, SADEC. Je remercie donc aux invités Gabriel Banzawitone, président du parti APDR. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Je remercie mes collègues ici. Je remercie la population qui a été la télévision et Sanganir pour nous suivre. Merci beaucoup. J'étais avec Nzoï Senga Aimable, secrétaire exécutif de l'organisation SIDEP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je dois remercier mes collègues qui sont ici, tous qui ont suivi de loin à travers la radio-télévision Isanganiro. Mais également, je dois vous dire que je confirme ma participation même à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Nous étions aussi également avec Rémi Abdelimana, représentant légal de l'organisation Maison Lueur d'Espoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci aux auditeurs, mais aussi à ceux avec qui nous avons échangé. Merci beaucoup. À la prise du son et des images, j'étais avec François Kimana et Jérôme Ndaïchimiye. À la réalisation, j'étais avec Médar Nyonguru. À l'animation de ce débat, vous étiez avec Evariste Nzikobananga. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Mosaïque.